Commentaire sportif, notre ami Roger Bullitt, comme à tous les vendredis, le Roger. Bon vendredi, ça va bien? Ça va bien, je te dérange en plein ronde de golf. Je m'excuse, Roger, d'habitude, je suis plus tard que ça, mais là, mon horaire change régulier des fois, fait que je m'en excuse. Hey, on y va. Roger, t'as... Canadien. Moi, j'ai quel match du Canadien mercredi? Tu sais, puis je t'ai souvent entendu dans tes analyses de sport, c'est sûr, c'est plus au baseball, mais ça va jouer. Mais enfin, je m'attendais à une défaite mercredi parce qu'il avait joué un match hautement émotif lundi. Mais quelle sortie du Canadien mercredi, hein? Il faut donner crédit premièrement à l'entraîneur Duchamp. Ouais. Duchamp est bien reconnu pour bien préparer ses joueurs. Puis il a préparé ses joueurs pour ce match-là. Ouais. Il était prêt pour jouer ce match-là. Il avait dit, hey, l'autre match, c'est fini. Là. Mm. Quand ils ont éliminé Toronto, ça ne fêtait pas beaucoup. Là. Non. Tout le monde était content, mais il n'était pas sur le party. Alors, l'équipe était prête pour ce match-là contre Winnipeg. Ils ont tellement bien joué. Oui, suivi le plan de match. C'est très important. Les Jets, tiens, on donnait crédit aux... Normalement, je vous disais du monde dire « Ouais, mais Jets était rouillé, mais la rouille, ça dure une période seulement au hockey. » Il ne faut jamais oublier, l'anti-Canadien va toujours trouver une excuse de Winnipeg. Ouais, ouais. Roger, Mark Scheifele, 4 matchs, comment tu trouves ça? Mais la Ligue a suspendu le joueur à l'intérieur de ses moyens. Il ne faut pas oublier, si tu dépasses 6 matchs, ouais. Le joueur peut aller en appel. Fait que la Ligue a choisi quelque chose. Première infraction, 4 matchs, je trouve ça que c'est... C'est sûr que c'est pas sévère autant qu'on pensait, mais 4 matchs, c'est beaucoup dans les séries. Mais moi, Roger, là, à un moment donné, je serais pour ça. Moi, comme un moment donné, le joueur, ça dépend toujours du cas, ça dépend toujours du coup, mais quand que, si Jake Evans manque, je sais pas moi, 20 matchs, qu'il soit suspendu 20 matchs aussi, je serais pour ça, moi. Mais c'est parce que moi, tu connais les équipes et qu'ils seraient un peu. Ouais. Pour amener le joueur, on se tordrait un peu. Ouais. Ça, faut pas que tu oublies non plus. Ouais, ouais, ouais. On ramènerait le joueur un peu plus tard qu'il devrait être de retour. Fait que c'est pour ça que tu ne peux pas suspendre un joueur de cette façon-là. OK. Parle-moi du match de ce soir. Tu t'attends à quoi? Mission accomplie parce que... Attends, victoire... Ouais. Okay. Le premier 5 minutes va déterminer si Winnipeg est prête mentalement. Ouais. C'est ça qui est la question. De la façon que Winnipeg va sortir. Si Winnipeg sort comme l'autre jour, ça va se terminer rapidement. Parce que ça va être intéressant. Est-ce qu'ils vont rentrer intense ou non? Ça va être intéressant. Le Canadien va être... Oui. Penses-tu que la blessure de Jake Evans va vraiment changer, va motiver le CH? Non. Non. Les athlètes, là, ça joue pour gagner. Ouais. Et une fois que le match commence, là, la motivation, c'est ta motivation que tu fais toi-même. Okay. Et non, c'est sûr et certain qu'on va jouer pour lui, là, mais une fois que tu commences le match, là, regarde Toronto, ils ont joué pour Tavares, ça n'a rien donné non plus. Hein. Tu joues ton match, point. Oui, oui. Hey, Roger, parle-moi de Mike Marshall. Moi, c'est un lanceur que j'ai pas connu parce que Marshall, écoute, j'étais trop jeune. Moi, j'ai commencé à écouter les expos sur la série contre les Dodgers en 80. Donc, Marshall, je l'ai pas connu. Donc, Mike Marshall, c'est lui qui a changé complètement le rôle de releveur. L'entraînement d'un releveur. Lui, s'entraînait régulièrement et avec beaucoup, beaucoup de vigueur. Lui, son entraînement, il commençait avec des balles d'acier lourdes qu'il s'entraînait avec pour lancer. Ensuite de ça, lui, il disait, là, tu lances, t'es toujours prêt à coup de main. Il a participé pour un de 100 matchs en 84 comme releveur. Il faut le faire. Puis lui, c'était pas une manche, c'était 2 manches, 3 manches, ça le dérangeait pas du tout. Okay. Il avait une bonne balle sur tire-bouchon, un excellent releveur. C'était-tu un closer? C'était-tu vraiment un bon closer? Ou c'était un préparateur de table? Mais dans ce temps-là, ça n'existait pas de même. Le gars lançait 2-3 manches. C'est pas un Rory Fingers. Là. Si Rory Fingers avait lancé juste une manche comme releveur, il avait établi des marques incroyables, mais il lançait des 2 puis 3 manches. OK, OK. Ça te fait-tu quoi, Roger, quand tu vois des expos? Écoute, là, ça fait plusieurs. Moi, ça me fait de quoi, là? Puis je les ai pas connus, je les ai pas fréquentés. Tu vois des Scott Sanderson, des Bob Sebra, tu vois des Marshall qui partent. C'est la vie, elle marque bien, mais ça doit faire de quoi pareil? Mais c'est des amis, hein? Ouais. Dans le monde du sport, là, les joueurs que tu as vus, que tu étais avec eux autres, c'est des amis, c'est ça que tu perds. OK. Danny, je dois te laisser. OK, Roger, on s'en parle le vendredi prochain. Je dois te laisser. Merci beaucoup. OK, salut.